mess and destruction to come back again. And I cause nothing but trouble. I understand if you can't talk to me again. Juste avant votre journal sur la première, juste avant midi, voici Stéphanie Nazar sur la première. Pour notre famille, nous travaillons dur, faut que nous assurions. Nous faisons tout le coup dans toute ma maille, notre même notre bataille. La semaine n'a point de temps pour nous faire l'amour. Allons donc pas la trouver à nous. Notre premier jour, qu'à danser, décoller, ou tout seul dans mon yeux, à tourner, apprécier, à soir ça pour nous deux. Qu'à danser, décoller, ou tout seul dans mon yeux, à tourner, apprécier, à soir ça pour nous deux. Premier danser, où l'été gêné, moi l'avais fait ou y'en pas moins, ou trouve pas moins bien, ou t'y mode ou donne pas de mon cou, ou demain si mon jour, fais voir à main ou de l'intention, ni mon compagnon. Qu'à danser, décoller, ou tout seul dans mon yeux, à tourner, apprécier, à soir ça pour nous deux. Qu'à danser, décoller, ou tout seul dans mon yeux, à tourner, apprécier, à soir ça pour nous deux. Bon appétit avec la première et le midi. Le journal d'Antoine Garnier, bonjour. Bonjour Claude, bonjour à tous. À 24 heures du retour des élèves en classe, c'est la rentrée pour les quelques 16 000 enseignants du département. Une rentrée scolaire marquée par l'entrée en application de la réforme des collèges. Une rentrée également placée sous le signe de la sécurité en raison de la menace terroriste et de l'état d'urgence. Interview du recteur Velayudom Marimoutou dès le début de ce journal. Cette rentrée pourrait être mouvementée socialement dans les écoles. Opposée à la réforme des collèges, la FSU appelle à une journée de mobilisation le 8 septembre prochain. La rentrée des élèves du collège-lycée Saint-Charles à Saint-Pierre pourrait être perturbée dès demain avec la grève des personnels qui a démarré ce matin. Nous entendrons les raisons de leur protestation avec Pierre Komorasamy. Dans cette édition, nous parlerons également des dangers des faux ongles et puis à la fin de ce journal des Jeux Olympiques avec les Réunionnaises qui brillent à Rio. Nous sommes le mardi 16 août, dernier jour de vacances pour les écoliers, collégiens et lycéens réunionnais. Mais les vacances sont bel et bien terminées pour les quelques 16 000 enseignants et 2 000 personnels des établissements scolaires de la Réunion. Ils reprennent aujourd'hui le chemin de l'école. Ce matin, le recteur de la Réunion, Velayudom Marimoutou, a présenté les nouveautés de cette rentrée. L'année scolaire, je vous le disais en titre, est marquée par la mise en œuvre de la réforme des collèges. Mais pas seulement, cette rentrée est aussi placée sous le signe de la sécurité. Le recteur de la Réunion, Velayudom Marimoutou, au micro Réunion Première de Nadine Bachelot. Pour cette nouvelle rentrée, une continuité des chantiers qui ont été entamés depuis 2012 dans la refondation de l'école, et le chantier important sera la réforme du collège. L'approche par les nouveaux cycles, notamment en cycle 3 qui devient un cycle interdegré, et des dispositifs d'accompagnement et de ce qu'on appelle des EPI qui feront travailler les enfants de façon, les élèves de manière interdisciplinaire ainsi que les équipes pédagogiques. L'école au cœur de la République, c'est quelque chose qui vous tient à cœur ? L'école au cœur de la République me tient à cœur tout simplement parce que c'est l'école de la République avec les valeurs de la République, et il est important dans le contexte actuel de réaffirmer un certain nombre de ces valeurs, notamment la laïcité, avec la journée du 9 décembre, et ainsi que d'autres principes sur lesquels nous travaillons, notamment par le biais des enseignements moraux et civiques qui sont inscrits dans les programmes. C'est donc l'entrée en application de la réforme des collèges qui marque cette rentrée, une réforme intégrée au projet de refondation de l'école porté par la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem. Une réforme qui, sous certains aspects, a donné lieu à des débats houleux avec les syndicats enseignants. Une question se pose aujourd'hui, les professeurs sont-ils prêts à appliquer cette réforme des collèges ? On écoute la réponse d'Éric Dijoux du syndicat UNSA Éducation Réunion. Oui et non. Oui, pourquoi ? Parce que ça fait un an que les équipes se préparent. On a eu des périodes de formation. Le non, c'est qu'on pourrait regretter qu'au niveau des institutions, qu'on n'ait pas eu un accompagnement à la hauteur de nos espérances. C'est-à-dire que la formation qui a été mise en place pour accompagner la réforme des collèges se soit faite sur 2 ou 3 jours et que malheureusement, les collègues aient été obligés de se former, de s'auto-former ou de se débrouiller entre eux. Ensuite, on ne pourra pas dire que tout ce qu'on veut mettre en œuvre dans la réforme, que lundi prochain, on sera tip-top. Hein. Non, hein. Les programmes ont changé. Il y a la mise en place de l'accompagnement personnalisé, des enseignements pratiques interdisciplinaires. Pour que la mélodie soit harmonieuse, il nous faudra quand même, je pense, 1 mois, 2 mois, 3 mois pour que tout ça fonctionne. On ne va pas changer en 1 mois de vacances des années de pratique. Éric Dijoux de l'UNSA Éducation Réunion, au micro Réunion Première de Johan Adamadorassi. Et la FSU fait partie des syndicats qui sont les plus opposés à cette réforme des collèges. Invité de la matinale de Réunion Première ce matin, la co-secrétaire départementale de la FSU, Marie-Hélène Dor, a annoncé une nouvelle mobilisation pour la journée du 8 septembre. Une rentrée mouvementée dans un établissement privé du Sud, à Saint-Pierre. La moitié, soit une vingtaine des employés techniques et administratifs du collège-lycée Saint-Charles, est en grève depuis ce matin. C'est une première pour cet établissement qui n'avait jusqu'ici jamais connu de mouvement social. Les grévistes revendiquent de meilleures conditions de travail ainsi qu'une revalorisation salariale, et ils se disent prêts à maintenir leur mouvement tant qu'ils n'auront pas été entendus par la direction. Le reportage sur place de Pierre Komorasamy. Ce mouvement social, le tout premier de l'histoire du collège et lycée Saint-Charles de Saint-Pierre, le personnel non enseignant l'a décidé bien avant la fin des vacances. Bruno Borga, porte-parole des grévistes. Nous avons une négociation annuelle qui a débuté de mai à juin. La direction n'a pas voulu entendre nos revendications. La revendication principale porte sur une revalorisation salariale, mais les grévistes dénoncent également des conditions de travail qui se dégradent. Nous demandons une augmentation de 150 euros net. Et aussi, on nous demande des tâches supplémentaires par rapport aux tâches qui sont définies en rentrée à chaque année. Et tout ce qu'on nous demande de faire, on doit le faire en urgence. Donc, nous disons stop. Sur la question d'une augmentation de salaire, la direction est tout à fait prête à entamer des négociations. Jacques Lépissier, directeur du collège et lycée La Salle Saint-Charles. Nous avons effectivement besoin de travailler ensemble et d'échanger sur leurs revendications qui sont au niveau salarial. Par contre, le chef d'établissement ne comprend pas les accusations portant sur les conditions de travail. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment une dégradation puisque, au contraire, nous avons mis en place des structures intéressantes. On vient de mettre en place un comité d'hygiène et sécurité de conditions du travail. On a mis des éléments en place dans l'établissement pour que tout cela soit travaillé ensemble. Les deux parties devraient se retrouver autour de la table des négociations en fin d'après-midi. Et si aucun accord n'est trouvé, les grévistes préviennent qu'ils continueront leur action demain, quitte à perturber la rentrée des élèves. Reportage signé Pierre Komorasamy. Voilà ce qu'on pouvait dire ce midi sur la rentrée scolaire. Mais la rentrée cette semaine, c'est aussi sur Réunion Première Radio avec une nouvelle grille étoffée en matière d'infos notamment. Nous vous proposons depuis hier 16 rendez-vous d'infos tout au long de la journée. Des nouveautés sont aussi à venir sur Réunion Première Télé à partir de la semaine prochaine. La rentrée sur Réunion Première, c'est le thème de l'émission C'est dans l'actu juste après ce journal. Philippe Dornier recevra les rédacteurs en chef et les directeurs d'antenne de la station. Le 026 de 99 2000 est à votre disposition pour vos questions et réactions, par SMS également au 06 92 70 2000, également sur les réseaux sociaux. Midi 6 sur Réunion Première, la suite du journal, Antoine Garnier. Ce week-end prolongé qui s'est achevé hier a donné lieu à des contrôles routiers renforcés. On en parle depuis ces trois derniers jours. Policiers et gendarmes étaient mobilisés au bord des routes de Lille, avec en première ligne les 20 motards de l'escadron de sécurité routière de la gendarmerie. À eux seuls, ils ont relevé plus de 300 infractions au cours du week-end, parmi lesquelles 50 conduites en état d'ivresse. 18 automobilistes se sont vus retirer leur permis immédiatement. Citons également 205 excès de vitesse. Le record revient à un automobiliste qui roulait à 185 km/h dimanche après-midi au lieu des 110 réglementaires sur la RN1. Qu'il soit rose, bleu, jaune, vert, orné de fleurs ou incrusté de pierres, le succès des ongles artificiels ne se dément pas au fil des ans. Mais attention, les faux ongles ne sont pas sans risque. Et c'est l'Agence nationale de sécurité du médicament qui tire la sonnette d'alarme. Les produits et les techniques utilisées pour poser et enlever les faux ongles sont dans le viseur de l'agence. Un ponçage trop agressif ou trop fréquent, les gels durcissants, les colles, les dissolvants sont autant de menaces pour la santé des ongles. Explication avec le docteur Kelly Bagny. Elle est dermatologue au CHU de Saint-Pierre. Elle donne quelques exemples des complications que peuvent provoquer les faux ongles mal posés. Quelle que soit la technique et quelle que soit la pose d'ongle artificiel, il y a toujours un risque d'abîmer l'ongle de par la technique. Après, on se pose toujours la question aussi des risques allergiques en fonction des différentes molécules utilisées. On a toujours un risque de faire un eczéma, notamment de contact. L'autre danger est celui d'une pathologie sous-jacente dermatologique qui peut atteindre l'ongle avant la pose d'ongle artificiel, notamment le psoriasis, le lichen, une mycose inguéale. Donc toutes ces pathologies sous-jacentes peuvent être aggravées en cas de pose d'ongle artificiel. Le docteur Kelly Bagny, dermatologue au CHU, était au micro de Daniel D'Ambreville. Comment améliorer la sécurité des urgences du GHER, le groupe hospitalier Est Réunion? Une sécurité souvent mise à mal par les accompagnateurs des personnes admises aux urgences. Eh bien, en appliquant le protocole d'accord santé-intérieur-justice de 2010. Sur la centaine d'agressions annuelles constatées au GHER, il y en a 45 qui sont des agressions physiques, dont 25 ont nécessité l'an dernier l'intervention de la gendarmerie. Le personnel hospitalier est par la force des choses habitué à ce genre d'agression. Le CHU tient quand même à le former à l'anticipation et à la gestion des crises et de violences. Il existe aussi un troisième volet de formation. Explication avec le directeur du CHU, Lionel Calange. Et puis, il y a une dernière chose sur laquelle on va essayer de s'améliorer. C'est peut-être, comme on dit, un coaching un peu plus particulier des services d'urgence. Il y a la possibilité d'être accompagné par un organisme qui s'appelle l'Agence nationale pour la formation hospitalière. Et il y a également des sessions de formation in situ par les forces de gendarmerie qui vont intervenir dans les locaux de l'hôpital à la faveur du protocole. Des exercices. Oui, des exercices. Et puis, c'est mieux, vous savez, lorsque vous avez les locaux, la géographie, les gens se connaissent, c'est bien plus facile de nouer des relations de confiance, de se connaître et d'intervenir avec pertinence, comme on dit. Des propos recueillis par Jean-Paul Mélade. Santé Toujours, l'établissement français du sang lance un appel aux donneurs. Il y a urgence. Le seuil de 8 jours de stock est atteint. Il y a une baisse de la fréquentation des collectes en ce moment et le besoin de donneurs au plus et au moins est très urgent. L'EFS a besoin, rappelle-t-il, de 120 dons de sang par jour. Si vous êtes donneur universel, vous êtes particulièrement attendu sur les sites fixes ou mobiles de l'EFS. Pour connaître la collecte de sang la plus proche de chez vous, rendez-vous sur Internet sur le site www.dondusang.net. Maintenant, on passe au sport avec Marine Boyer, à deux doigts d'une médaille olympique. Hier, la gymnaste bénédictine a terminé quatrième en finale de la poutre sous les yeux de ses parents qui s'étaient serré la ceinture pour faire le voyage jusqu'à Rio. Âgée tout juste de 16 ans et vice-championne d'Europe, la Réunionnaise confirme son statut d'étoile montante de la gymnastique. Marine Boyer, qui s'était fixée comme objectif de finir dans le top 5 pour sa première participation à des Olympiades, peut nourrir le rêve d'un sacre lors des prochains JO. Elle a d'ailleurs déjà les yeux rivés vers Tokyo. On écoute Marine Boyer au micro réunion première de notre envoyé spécial à Rio, Johnny Lérivain. Ça va, je suis contente de ce que j'ai fait, je suis contente de mon mouvement. J'ai donné le meilleur de moi et voilà. J'ai fait quelques petites erreurs, mais bon, ça va. Je me suis fait plaisir et déjà juste de réussir mon mouvement, je suis contente. Parce que le stress, il était là et voilà. J'espérais faire une finale et arriver quatrième, c'est génial. Je vais travailler à fond pour Tokyo 2020. Et aujourd'hui, une autre réunionnaise sera en scène lors de ces Jeux Olympiques. C'est de l'athlétisme avec Cindy Billot, l'athlète pays qui s'alignera dans les séries du 100 mètres haies. Sans vraiment d'ambition, elle dit, car elle a eu des conditions de préparation un peu complexes. Il est 12h12, c'est la fin de cette édition sur Réunion Première. Et tout de suite, on fait un point sur l'actualité nationale et internationale avec France Info. Et ce Brésil, donc cruel pour la France aux Jeux Olympiques cette nuit. D'abord, Renaud Lavillenie qui perd son titre, mais aussi les volleyeurs français éliminés dès le premier tour par le Brésil 3-7-1. Les Bleus, pourtant champions d'Europe. Pierre-Ambroise Boss lui termine 4e du 800 mètres. 24 médailles ce matin au palmarès français. 7 en or, 9 en argent, 8 en bronze. Au moins une 25e à venir aujourd'hui avec Sofia Noumia en boxe finale des moins de 60 kilos. Un homme de 56 ans tué hier soir par balle à Marseille. Meurtre en pleine rue, sans témoin. Moins dans les quartiers sud, 19e mort par arme à feu depuis le début de l'année dans les Bouches-du-Rhône. La rentrée va coûter 2 360 € à un étudiant de première année, tout compris logement, sécu, inscription. Chiffre de la FAGE, la Fédération des associations générales étudiantes, précise que le coût augmente d'1% par rapport à l'an dernier. Les autorités ont prévenu en Louisiane, pas de baisse des cours d'eau à attendre aujourd'hui. Il continue à pleuvoir sur l'État américain. 20 000 personnes évacuées, 6 morts. Voilà pour l'actualité nationale et internationale. Ingrid et Philippe Dornier viennent de nous rejoindre en studio. Bonjour. Bonjour Antoine, bonjour Antoine. À tous. Et comme je vous le disais tout à l'heure, C'est dans l'actu fait sa rentrée ce midi. Une émission consacrée aux nouveautés sur Réunion Première. Aux nouveautés, Antoine, et aussi évidemment aux émissions auxquelles vous êtes habitués, que vous retrouvez en ce mois de juillet. Autour de moi, les responsables de l'info et des programmes radio et télé. Toutes vos questions au 02 62 99 2000 ou sur notre nouveau canal SMS 06 92 70 2000. Qu'est-ce qui vous plaît à la radio, à la télé? Qu'est-ce qui vous plaît moins? En attendant vos appels, des nouvelles du temps. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. La couverture nuageuse se déchire par moments, mais reste quand même bien présente dans l'est et le sud-est, alors que dans l'ouest, il fait plutôt beau. Au fil des heures, les nuages feront leur apparition dans les plaines de l'est et sur le pourtour du volcan, mais Mafate et Silaos resteront malgré tout au soleil. À mi-hauteur, les nuages s'étalent entre la Possession et Trois-Bassins, où le risque de pluie reste assez faible quand même. L'alizé est toujours très marqué sur les côtes nord et sud, et certaines pointes atteignent les 70 km/h. Vers la plaine des Cafres et le Piton de la Fournaise, le vent souffle par petites rafales de 40 à 50 km/h. Et comme bien souvent, les plages de l'Ouest bénéficient d'un régime de brise. La mer est forte au vent et au déferlement d'une houle d'alizés dans l'Est et le Sud. Partout ailleurs, la mer est peu agitée. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Envie de fraîcheur ? Vous avez accueilli ce matin les premiers fournisseurs. Prisca sur Réunion Première, lundi au vendredi, sur les étals des marchés de notre île, avec vous. Et la fraîcheur. Faites le plein de saveurs, en direct du marché, avec Espace Fraîcheur. Retrouvez les avis de décès tous les jours sur Réunion Première, à 5h50, 11h50, 13h50 et 17h50. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. Première. Première. Midi 15 sur Réunion Première. La rentrée sur Réunion Première, c'est dans l'actu le premier numéro de cette nouvelle saison avec toujours aux manettes Philippe Dornier. De l'information locale, toutes les demi-heures dans la matinale radio. Les habitants des 24 communes qui auront davantage la parole lors des journaux télévisés. Deux exemples de ce que propose Réunion Première pour cette reprise. Une rentrée placée sous le signe de la reconquête. Auditeurs et téléspectateurs ont boudé nos antennes au premier semestre 2016. Pourtant, ce n'est pas faute de proposer des programmes pays, de se mettre toujours davantage à votre écoute et de vous permettre d'intervenir sur vos préoccupations quotidiennes. Pas question donc de tout changer, mieux vaut parler d'ajustement. Quelles sont les nouveautés à écouter, à regarder? Comment attirer les Réunionnais vers les programmes de Réunion Première? L'image de notre station est-elle en décalage avec la réalité? C'est dans l'actu sur Réunion Première. C'est dans l'actu. Réunion Première, Philippe Dornier. Et la nouvelle formule de l'émission n'a pas changé, mais le numéro pour nous envoyer vos textos, si. Il faut maintenant composer le 06 92 70 2000. Si vous préférez nous appeler pour intervenir en direct, ça se passe toujours au 02 62 99 2000. Et puis, il y a encore les réseaux sociaux, la page Facebook, c'est dans l'actu, et le hashtag CDLAPremière pour Twitter. Pour ce premier numéro de la saison, j'ai le plaisir d'accueillir les deux directeurs d'antenne de Réunion Première. Éric Pérez pour la radio, bonjour. Bonjour. Benjamin Morel pour la télé, bonjour. Bonjour. Et les deux rédacteurs en chef, Karl Sivat. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Bonjour Karl, patron de l'info à la radio et votre homologue de la télé qui doit être pris par la préparation du JT dans 13 minutes maintenant. Donc il va nous rejoindre certainement dans quelques instants, Olivier Jolin. Alors, on n'a pas l'habitude ici, vous le savez, d'éluder les sujets qui fâchent et quand ils nous concernent, eh bien, on ne va pas faire l'autruche. Les audiences ont été décevantes au premier semestre, autant le dire. La radio est quatrième avec 11,7% d'audience cumulée et 7% en part d'audience. Comment vous analysez ces résultats, Éric Pérez? Comment vous les avez reçus? C'est jamais un moment très agréable forcément pour l'ensemble de l'équipe. Alors on fait un travail de remise en question. On a beaucoup travaillé pendant les vacances ces deux derniers mois pour corriger le tir et être le plus en phase avec les attentes des Réunionnais. Ça nous paraît essentiel. La radio, c'est beaucoup de proximité, donc on fait un gros travail là-dessus. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y en avait pas assez jusque-là? Bah, sans doute, si les gens nous ont désertés, c'est que sans doute on n'était plus assez proche d'eux. C'est souvent aussi des habitudes que l'on prend en radio. C'est vrai qu'une équipe radio, c'est souvent une saison entière. Il faut qu'on fasse notre petit travail de remise en question et de se connecter le plus possible aux attentes du public au quotidien et être toujours attentif à cela. Au niveau de l'info, Karl Sivat, est-ce qu'il y a eu des déceptions aussi depuis le début de l'année ? Non, pas du tout, parce que nous avions pris le parti d'installer une grille cohérente en essayant de répondre aux attentes du public, ceux qui ont choisi de faire confiance à l'information sur Réunion Première. Nous sommes restés dans la même architecture sur la grille info depuis septembre de l'année dernière, et on a de bons scores sur les rendez-vous d'info. Maintenant, nous sommes corporate et nous continuons à bosser avec l'ensemble de l'antenne pour que le produit que nous proposons, tant à la fois en info qu'en antenne, qu'en animation, on puisse aller gagner de nouveaux auditeurs, aller gagner de nouvelles parts, si on peut s'exprimer ainsi. Mais en tout cas, l'info va continuer. C'est 16 rendez-vous depuis hier à l'antenne chaque jour. C'est une énorme production locale qui est offerte aux auditeurs. 16 rendez-vous quotidiens, parce que quand on parle d'une grille, les gens ne réalisent pas, mais c'est 16 rendez-vous de la rédaction de Réunion Première sur l'antenne chaque jour. Avec la nécessité de réactualiser évidemment tout ce qu'on propose. Alors le sondage médiamétrie pourrait aussi être meilleur pour la télé, distancé par Antenne Réunion. 53,5 pour la chaîne privée, 26,1 pour la télé publique, audience cumulée. En part d'audience, c'est du même ordre. Là aussi, comment vous expliquez cet écart, Benjamin Morel ? Je pense qu'il y a la question de l'information, évidemment. On a eu, il faut le rappeler, notre changement d'horaire sur le journal télé du soir, qui était un risque qu'on assume. Ça prend du temps. Alors le JT, il faut rappeler que le JT le JT était à 19h30 voilà. Pendant longtemps. Voilà. Il est désormais à 19h en face de celui de notre concurrent. Mmh. C'est un risque qu'on a pris et sur lequel on travaille évidemment pour installer ce rendez-vous dans le cœur des Réunionnais. Donc c'est un des éléments forts évidemment dans l'audience d'une chaîne télé, les scores du JT. Après, on doit aussi rappeler qu'une audience, c'est une moyenne sur une grille. Mais on a de nombreux rendez-vous qui fonctionnent très bien tout au long de la journée. Des rendez-vous qui trouvent leur public en production locale. Le matin, avec Claudio, à 7h tous les matins. À 11h tous les jours avec Rokaya, qui accueille pour une émission testimoniale Dis-moi tout, qui semble effectivement trouver son public. Et le jeu Allons chanter, qui s'installe et qui fait des meilleurs scores à chaque salve d'audience. Donc voilà, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je pense qu'on a aussi des éléments de réussite dans cette grille. Alors les JT, ils n'ont pas l'audience escomptée, Olivier Jelin, vous en convenez. Qu'est-ce qui a manqué à votre avis ? Oh, qu'est-ce qui a manqué ? C'est une longue histoire. On ne va pas revenir sur tout ce qui a fait l'information de Réunion Première, mais voilà, aujourd'hui, toute la rédaction travaille pour faire en sorte que ces sondages repartent. Juste pour revenir sur ce que disait Benjamin Morel, c'est vrai qu'on a changé l'horaire du JT, mais on a tenu à être en frontal vis-à-vis de Réunion Première. Alors c'est pas rien, c'est une bagarre d'antenne Réunion. C'est une bagarre, mais bon, on a décidé de le faire ainsi, et donc aujourd'hui on remonte, voilà, ça monte, ça descend. Globalement, la bataille des audiences est lancée, mais c'est pas simple. Maintenant, comment l'expliquer ? L'expliquer, c'est le changement d'horaire. Comment faire pour redresser la barre ? C'est du travail avant tout, et du travail pour les Réunionnais, un peu plus de proximité. Je suppose qu'on va en parler tout à l'heure avec les changements, notamment dans le 12h30, beaucoup plus de proximité. On s'ouvre un peu plus aux gens avec une interactivité, et on fait intervenir les téléspectateurs sur des questions d'actualité et des questions qui les concernent. Donc voilà, avant tout, c'est ça, mais je suppose qu'on parlera de ça un peu plus en détail tout à l'heure. Et midi 22 sur Réunion Première, la rentrée, c'est maintenant. Et on va aller au 02 62 99 2000 pour accueillir un premier auditeur ou une première auditrice. Allô ? Oui, bonjour. Oui, c'est Élisée, bonjour. Bonjour Élisée. Bonjour à tout le monde, je suis un fidèle. Bonjour. Ouais, depuis très longtemps. Moi, c'est plus pour la radio, parce que quand j'écoute la radio, je suis souvent dans la voiture. Donc, c'est vrai, il manque des choses. Depuis 6 mois, là, on avait des trucs en live avec le dimanche matin, c'était agréable. En fin de compte, il manque le truc avec les auditeurs, les directs, vous voyez. Hein, discussions, les approches directement sur le terrain, vous voyez, la réalité de ce qu'on vit tous les jours, on parle avec chaque animateur, vous voyez, ça crée des liens. D'accord. Ça nous manque, tout ça, voilà. De la chaleur. Hein. Son téléphone, on aime bien discuter, on aime bien parler de travail, parler de tout. Ouais, voilà. Parler des préoccupations quotidiennes. Voilà. Les gens aiment bien être écoutés. Hein. Quand même, personne qui nous comprend, qui est à l'écoute des auditeurs, je pense que ça fait beaucoup, ça fait chaud au cœur. Et puis moi, je suis aussi souvent sur la route, comme je vous dis, et j'appelle le dimanche matin ou le dimanche de la journée ou samedi, en week-end, et il n'y a personne pour répondre au téléphone. Et l'animatrice, elle est tout seule ou l'animateur, et donc on a un service radio guillage ou un truc comme ça, ou un accident ou un truc comme ça sur la route, on peut joindre personne. Et quelquefois, j'envoie les messages pour les animateurs dont moi je connais, je suis habitué, donc ils me rappellent, mais on ne peut pas faire avoir un direct, vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a pas de standardiste dimanche, samedi, dimanche. D'accord, voilà. Vous souhaitez donner une information, il y a ce problème-là que vous soulevez. Voilà, on n'arrive pas à joindre quelqu'un, voilà. Et quelquefois, il y a des gros accidents le dimanche matin, des trucs comme ça, donc voilà. D'accord, merci en tout cas pour vos remarques, Élisée. Alors attendez, parce qu'il y a Olivier Jelin. Juste une petite réponse, c'est vrai qu'on a, il y a un téléphone commun radio-télé, hein, d'accord. On va le dire comme ça, en tout cas il existe ce téléphone, il est à la fin de nos JT à chaque fois, c'est un rendez-vous que l'on a, on peut nous appeler et naturellement on nous rappellera. Est-ce qu'on peut le donner ce numéro, ce serait... Voilà, alors justement, c'est là le problème, c'est que je ne l'ai pas en tête. Ah, d'accord. Je ne l'ai pas en tête, mais on peut nous appeler, il est à la fin de tous nos JT, il n'y a pas de souci. Alors, ça vous encourage à regarder le journal ce midi, hein, vous voyez, tout à l'heure. Voilà, exactement. Vous attendez la fin de l'émission, vous êtes gentil quand même. Ok, il n'y a pas de problème. Merci Élisée. En fait, comme ça, merci, bonne journée à vous. Merci Éric Pérez. Oui. Bon courage pour la suite. Merci pour vos encouragements, Élisée. Éric Pérez, directeur d'Antenne Radio. Merci à Élisée pour ces précisions. C'est vrai qu'on n'a pas de standardiste le week-end, mais on a quand même des animateurs qui sont pour une bonne partie de la journée à l'antenne. Et a priori, ils répondent au téléphone et ils répondent aux auditeurs. C'est vrai que la question de l'interactivité, elle revient souvent. On nous attend aussi beaucoup pour échanger sur les thèmes qui préoccupent tout le monde. Ça tombe bien parce que pour cette grille de rentrée, on a quand même quelques émissions qui permettent de reconnecter avec les thématiques du quotidien. On a une émission avec Jackie Revel, par exemple, maintenant, depuis hier, entre 8h et 10h, sur la vie quotidienne, la vie familiale, les préoccupations du quotidien. Et puis, il y a quand même l'émission des experts de Claude Montané, qui revient, lui, sur tous les problèmes du quotidien, les petites tracasseries administratives, sur des thématiques parfois assez approfondies. Là, depuis hier, il a beaucoup plus d'expérience maintenant dans le studio et on répond clairement aux auditeurs à toutes les questions qu'ils ont à se poser. Hier, on parlait par exemple des voitures, aujourd'hui c'était sur la rentrée scolaire et on a vraiment des experts qui sont de tous horizons sur une seule et même thématique, ce qui est quand même un renforcement par rapport à la saison précédente. Voilà. Et puisqu'on parle d'experts, Olivier Jelin, en télé aussi, vous faites intervenir des spécialistes dans les journaux télévisés, en fin de journal. Alors, il y avait Madame Aude qui intervenait le mercredi. Madame Aude qui sera toujours là. Il y a du changement. Alors, le midi, on a notre chronique, je dirais, consommation avec Madame Aude. Donc, ça sera le jeudi, hein, d'accord. Et non plus le mercredi. Et voilà. Non plus le mercredi, voilà. En fin de JT de la mi-journée. En fin de JT de la mi-journée, donc en compagnie de Pascal Soupraien. Et puis, le lundi, une chronique juridique où on a Maître Setama qui viendra répondre donc aux questions des téléspectateurs, toujours en compagnie et à la fin du journal de Pascal Soupraien. D'accord. Éric Pérez. Oui, sur l'interactivité, un mot, parce que ça va de pair justement avec ce que font les collègues de la télé. Mais sur l'émission des experts de Claude Montané, on va avoir des thématiques récurrentes, on va assurer un suivi des dossiers des auditeurs, on va pouvoir les rappeler régulièrement. Par exemple, hier, on a parlé voiture, on reparlera sans doute de voiture dans un mois, et on rappellera nos auditeurs pour savoir si les conseils qu'on leur a donnés sont bien les bons et s'ils ont réussi à régler leurs problèmes. C'est une forme d'interactivité, de suivi des dossiers, on tient à aller jusqu'au bout. Et puis, Élisée, tout à l'heure au téléphone, nous parlait de son souhait de pouvoir discuter, échanger sur les thèmes. Enfin, on le fait tout au long de la journée, notamment dans une émission comme la vôtre, Philippe, mais il y a aussi, jusqu'à la fin de la journée, Claudio qui revient tous les jours en quotidienne à la radio pour parler de sujets plutôt légers, mais aussi parfois de sujets sérieux, entre 19h et 20h. Voilà, je pense qu'il y a... Il y a plus, et puis c'est vrai qu'Élisée parlait du week-end, et on a aussi des émissions qui vont être plus en phase avec la vie quotidienne le week-end. On va retourner au standard 02 62 99 2000. On prend la direction de Saint-Joseph pour accueillir David. Oui, bonjour. Bonjour David, bonjour. Bienvenue bonjour sur Réunion Première. Bonjour. Merci, bonjour, c'est Monsieur Patou. Oui, moi je vous appelle parce que moi j'étais aussi un fidèle, j'aime bien Réunion Première, bon, fonce sérieux tout ça. Mais c'est vrai que depuis des derniers temps, je zappe beaucoup, on cherche une autre radio, quoi, parce que je trouve que vous êtes en déconnexion, enfin, moi je suis pas un expert, hein, je suis seulement un auditeur, mais... Et avant, il y avait Jean-Claude David, il y avait Jeune Guichard. Franchement, moi, quand je parlais avec les gens dans... Moi, je fais un métier où je vois plein de gens, hein, donc bon, passons. Et on parlait de la radio, on dit oui, franchement, oui, la radio, je crois que c'était une année où, il y a peut-être 2 ans de ça, je pense que c'est une année, pour moi, je pense que ça a été le plus... écoutez, enfin, moi je crois. Hein. Mais donc depuis ça, là, ben, on zappe, il n'y a plus rien, il n'y a plus de divertissement, en fait, voilà. Il y a plein de sujets qui est bien. Bon, après, il y a un sujet... Vous parlez justement de... excusez-moi tout mélanger, hein, de Claude Montagnier qui fait des très très bons sujets, mais le problème, c'est que pour contacter, on parle, on reste longtemps au téléphone, après, il y a publicité, après, au repas, on n'a plus le temps de poser la question, en fait. Enfin, voilà, quoi, c'est une question d'organisation, je pense, aussi. D'accord. Voilà. Merci, voilà. David, pour ces remarques. Alors, on va essayer de vous prouver le contraire, qu'il y a du divertissement sur Réunion Première, Éric Pérez. Oui, il y en a notamment l'après-midi, il y a des invités, notamment des artistes, des divertissements, il y en a notamment avec des rubriques humoristiques que fabrique Jackie Revel. Il y a maintenant Radio Ménage, on a le Lecci que certains réunionnais connaissent, qui fait des vidéos sur YouTube et qui signe maintenant un billet d'humeur tous les matins à la radio. Il y a le rire, ne serait-ce que le rire, c'est déjà un divertissement, le rire d'Isabelle Warreau. Rire, ouais. Ouais, surtout le rire, parce que celui d'Isabelle, il est très communicatif. Ah, il est spécial, oui. Et puis le week-end, le week-end, on va aussi avoir une émission sur l'humour le samedi matin, en fin de matinée. Il y a du live en acoustique qui sera dans l'émission. Pour se reconnecter aussi au pays et à l'âme créole, on va avoir une émission de contes et de légendes réunionnaises, le dimanche soir de 18h à 20h avec Jackie. Enfin, on a vraiment cherché, là, pour cette rentrée, à faire des émissions qui parlent aux gens. Ça tombe bien, on fait de la radio. Alors, on a des textos aussi qui nous arrivent. Un texto qui nous dit, c'est Bernadette de Saint-Leu. Bonjour Réunion Première, j'aimais bien quand il y avait la matinale à la radio. Dommage que Zot l'arrête ça. Pourquoi possible de recommencer? Voilà, ça remonte à un petit peu plus loin, mais c'est une question posée. Alors, qui veut répondre là-dessus? Ça dépend de la radio et de la télé. Benjamin Morel, peut-être? Oui, sur la matinale, évidemment, on a tous apprécié l'équipe qui était en place au quotidien pour une émission qui était à la fois radio et télévision. On va pas se voiler la face, à un moment, ça a un coût très important. Clairement, du côté de la radio, le choix a été fait de muscler cette matinale et d'offrir aux auditeurs une matinale rythmée avec une équipe riche. Du côté de la télé, le coût quotidien d'une telle émission nous prive de la possibilité de faire plein d'autres choses dans la vie, de faire d'autres divertissements, d'avoir d'autres rendez-vous. Voilà, donc c'est deux choix différents qui ont été faits. En tout cas, je pense que pour ce qui est de la matinale en radio, la personne qui a envoyé le message devrait trouver son compte. Bonjour, il y a tellement à dire que je ne sais pas par quoi commencer, nous dit Lucie, fidèle auditrice, tellement déçue, c'est ce qu'elle nous dit. J'avais prédit la chronique d'une mort annoncée, Réunion Première, ça n'a pas manqué. Bon, c'est un petit peu dur, mais c'est aussi ça, le retour des auditeurs qui sont fidèles et qui se disent déçus. Comment les conquérir? Est-ce que c'est par l'info, Karl Sivad, vous nous disiez, on peut rentrer plus dans le détail, 16 rendez-vous d'info dans la journée et toutes les demi-heures le matin, c'est pas rien. Je pense que chacun doit pouvoir trouver son espace quand il décide d'écouter une radio. L'architecture du matin, de 5h à 8h du matin par exemple, on a un journal toutes les demi-heures. Les gens ne doivent pas réaliser la densité de le volume de travail que cela impose aux équipes au terrain, aux camarades techniciens, aux camarades chargés de la réalisation de ce genre de rendez-vous. Ça veut dire qu'il y a des gens à la radio dès 2h du matin pour préparer la matinale. 16 rendez-vous, ce sont des journaux donc jusqu'à 8h qui sont mis en place. Après, nous avons développé les rendez-vous magazines. Également, en soirée, c'est dans l'actu comme aujourd'hui où, évidemment, on est en lien direct avec les auditeurs. Quand ils téléphonent, quand ils font des SMS, l'interactivité fonctionne. L'idée, c'est de réussir à mettre en place des projets d'antenne, un projet global avec Éric Pérez pour la partie antenne, animation, on va dire, et puis l'information, mais à chaque fois qu'on construit un pan du programme qui est mis en place sur l'antenne, on pense évidemment d'abord au public, aux auditeurs. C'est pour eux qu'on fait ce job-là. Et en fait, chaque action qui est menée sur l'antenne, pour l'info ou pour l'animation, pour l'accompagnement, c'est d'abord en pensant à nos auditeurs, évidemment. Et vous parlez, Karl, du nombre de rendez-vous qu'il y a sur l'antenne, mais il faut peut-être parler du fond de cette info qui est vérifiée, qui fait la force de Réunion Première. Nous refusons de faire dans le buzz. Hein. Je crois que aujourd'hui, nous ne sommes pas, nous, on ne peut pas dire qu'on est une radio qui on peut baser notre info sur on m'a dit ou la rumeur. Le buzz, non. Une info, ça nécessite de la rigueur, de la qualité, de la vérification. On recoupe nos sources d'infos avant de pouvoir la donner à nos auditeurs à l'antenne. C'est aussi ça un label sur lequel on veut baser notre travail, notre rapport de confiance avec l'auditeur. Une info qui sortira de chez nous pendant un journal, c'est une info sourcée et vérifiée. Et bon appétit si vous êtes à table, 12h34 sur la première. Et si ça a valeur de sondage, on peut dire qu'à Saint-Joseph, on nous écoute vraiment ce midi, puisque on a ce deuxième appel qui nous vient du Sud Sauvage. C'est Jean qui nous appelle. Bonjour Jean. Oui, bonjour. Je suis un fidèle de Réunion Première depuis une trentaine d'années. Merci. On a passé des très bonnes années avec des bonnes émissions, aussi bien l'après-midi avec Souvenir par exemple. On a passé un peu plus récemment des très belles émissions le matin avec Jackie Revel, etc. Claudio aussi dans l'après-midi. Un petit peu plus tôt, il y a eu aussi Isabelle Waroux, etc. le matin. Donc il y avait de l'animation, il y avait du divertissement, il y avait on trouvait son compte. Et c'est vrai que depuis un an, je dirais depuis une petite année, bah, on cherche un petit peu sur les autres radios, puisque Réunion Première est devenue, j'irais mort. Donc d'accord, c'est une histoire de gros sous, je comprends, mais après. Ça reste quand même une chaîne publique, donc je pense que tout le monde devrait faire un effort pour nous emmener un peu plus d'animation. Notamment, un petit point aussi, quand on appelle pour donner une information, moi je suis sur la route, je fais 50, 60 000 km par an, hein, donc je suis tout le temps sur la route. Je vois plein de choses, donc je souhaiterais aussi partager un petit peu ce que je vois avec vous. Et ça c'est possible, vous pouvez nous appeler. Le problème, c'est que je vais bien vous appeler. J'attends 10-15 minutes le temps qu'il y a quelqu'un qui décroche. Olivier Gelin, rédacteur en chef télé, qui souhaite vous répondre. Alors j'ai un numéro à vous donner, c'est le 0692 87 87 37. Vous nous appelez, on vous répond tout de suite. On a retrouvé ce fameux numéro commun à la radio et à la télé, 06 92 87 87 37. Je vous invite tous à le noter. Éric Pérez également. Ouais, c'est le numéro de l'information. Hein. Dès qu'un auditeur ou un téléspectateur a une information à communiquer, un journaliste décroche à ce téléphone et prend l'info. J'entends effectivement tous les commentaires. Moi, j'apprécie parce que, en fait, on me cite des noms, me cite des formules. On vous dit Isabelle Waroux le matin, mais elle est revenue le matin. En fait, voilà, Isabelle Waroux, elle est de retour le matin. Elle formait un duo plutôt dynamique et drôle la saison passée avec Mickaël Laurette. Les voilà en matinale depuis hier matin. Ça y est, ils doivent se mettre à un nouveau rythme. C'est pas facile pour eux non plus. Ils ont beaucoup travaillé. On parle de Jackie Revel. Moi, il y a quelque chose qui m'a guidé quand même pour travailler avec les équipe pour cette rentrée, c'est Karl le disait tout à l'heure, c'est comment vivent les gens du pays, qu'est-ce qu'attendent les auditeurs, mais il y a aussi quelque chose de fondamental. On a des animateurs qui ont beaucoup de talent, et d'ailleurs notre auditeur nous le disait, moi j'en suis convaincu, et ces animateurs, en fait, j'ai cherché vraiment à valoriser leur talent. Quelqu'un comme Jackie est quelqu'un d'extrêmement créatif, et dans sa nouvelle émission de cette rentrée, je crois qu'il a vraiment toute la place pour le faire. Ce qui n'est pas le cas, faut bien le dire, en matinale. Hein. C'est vrai qu'il y a une meilleure exposition. C'est une personne qui est davantage écoutée, mais c'est plus du lancement de journal, des micro-cours. N'empêche que dans la matinale, on a fait aussi un gros effort de rythme pour permettre au duo Isabelle-Mickaël de s'exprimer un peu plus largement. Il y a beaucoup d'informations. Moi, il y a quelque chose aussi qui m'étonne souvent dans les retours des auditeurs. C'est qu'on nous reproche de ne pas être assez dans la proximité. Mais comme le disait Karl Sivat, le rédacteur en chef de la radio, il y a quand même 16 rendez-vous d'information locale tous les jours sur l'antenne de radio de Réunion Première. Je ne connais pas d'autres radios à La Réunion qui le proposent, en tout cas pas avec cette densité. Ce sont à chaque fois des journaux d'une durée d'approximativement 10 minutes. Il y a des vrais magazines d'information, c'est le cas aussi à la télé. Et puis, par exemple, on nous reproche parfois de ne pas passer assez de musique locale. Là, clairement, on a un titre sur trois. C'est de la musique locale, c'est de la musique réunionnaise que l'on diffuse sur l'antenne. C'est pas toujours perçu comme tel, mais je trouve que c'est un bel effort. Enfin, quand, il suffit d'écouter les radios musicales de Lille notamment, il n'y en a pas autant souvent. Jean, vous êtes toujours avec nous ? Oui, je suis toujours avec vous. Voilà, satisfait par les réponses qui vous ont été données ? Je suis satisfait par les réponses, je vais prendre le temps d'écouter et si je ne suis pas satisfait, vous m'entendrez. Voilà, et bien c'est bien, c'est ce qu'il faut faire. Vous aurez raison de nous rappeler d'ailleurs. Voilà. Je m'en rappellerai, je ne manquerai pas. Merci Jean et excellente journée à l'écoute de Réunion Première et pour regarder également Réunion Première à la télé. On peut rebondir là-dessus. Benjamin Morel, vous aussi, vous souhaitez capitaliser sur les talents locaux avec les différents rendez-vous que vous avez dans vos programmes à la télé. Oui, effectivement. On a toujours un problème d'image en tant que chaîne. Il y a ce que les gens perçoivent d'une chaîne et la réalité d'une chaîne. Voilà. Concrètement, pour parler rapidement, on est la chaîne qui produit le plus localement en télévision à La Réunion. On a trois rendez-vous quotidiens. On a Claudio dans la case le matin, tous les jours à 7h. On a Rokaya qui accueille sur des thèmes de société tous les jours à 11h. Dis-moi tout. On a un jeu quotidien Allons chanter avec Claudio et Katiana. En parallèle, on a trois rendez-vous hebdomadaires en production locale. Voilà. L'idée, c'est pas de faire juste le compte du nombre d'heures, mais c'est de dire qu'on essaie de proposer autant que possible pour tous les styles de public des rendez-vous adaptés. Voilà. Et ça, c'est du travail, c'est de la production locale qui fait aussi intervenir nos équipes, des équipes extérieures, qui met en avant les talents locaux. Je pense à la musique, aux captations musicales qu'on peut offrir, aux talent shows musicaux, aux thèmes de société. Je pense qu'à un moment, on fait le maximum pour refléter la société réunionnaise. Et c'est vrai qu'il faut que les gens nous donnent une chance aussi. De se dire, bon, peut-être que pendant un temps, Réunion Première n'a pas suffisamment joué son rôle de proximité, n'a pas suffisamment reflété la société réunionnaise. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. Mais c'est toujours long de travailler une image. Une question SMS. Est-ce que Jean-Marc Collienne va reprendre ses portraits de personnalités réunionnaises ? C'est très sympa. Il y aurait tellement d'autres personnes à rencontrer. C'est Gaël de Saint-André qui nous demande ça, Olivier Jolin. Bon, écoutez, en fait, il est chaque soir dans le journal à partir de la rentrée, la semaine prochaine. C'est plus du 19h. C'est plus du 19h. Et concernant donc les portraits. Alors évidemment, Une vie réunionnaise continue, cette belle collection. On en a deux qui vont arriver d'ici la fin de l'année, consacrés au clan Joron, donc autour de ça, nous ça va évidemment, et à Jacqueline Farérol, après avoir fait le portrait de Madame Aude, d'Alain Péter, de Monseigneur Aubry. De Monseigneur Aubry. Oui. Il y avait pas mal de nombreuses personnalités. Qui ont été très appréciées. Voilà, autrement, Jean-Marc Collienne est là du lundi au jeudi, tous les soirs, le plus dans le journal, pour recontextualiser une information, pour donner plus de détails sur un fait d'actualité en rapport au quotidien ou hebdomadaire dans la semaine. Voilà. Une question, alors, c'est quelqu'un dont on a parlé tout à l'heure, c'est Sonia. Quelqu'un qui dit salut, l'année dernière, Sonia a disparu des programmes. Que devient-elle ? Et cette personne dit vivement son retour, elle me manque. Suzy de la Plaine des Cafres. Eh bien, la bonne nouvelle pour Suzy, c'est que Sonia retrouve le chemin des ondes et sera à nouveau parmi nous pour cette rentrée. Elle travaille sur une nouvelle émission qui sera proposée le week-end. Alors justement, ça va être des portraits de Réunionnais qui vivent en commune. On va essayer de s'intéresser à des gens qui ne sont pas forcément des personnalités au sens public. Et on va rentrer chez les gens, a priori, dans cette nouvelle émission. Voilà, donc, ce sera le week-end dessus. Ce sera le week-end de 9h à 10h. Donc, le samedi comme le dimanche. Exactement. D'accord, deux personnalités Sonia. Dans une commune chaque semaine. Voilà, une émission que l'on veut un peu intimiste pour aller à la rencontre de ceux qui nous écoutent tous les jours et puis découvrir un petit peu leur mode de vie. On va retourner au standard. 02 62 99 2000. Bonjour Fred de Saint-André. Oui, bonjour. C'est Fred de Saint-André. Donc, moi, j'avais une question, ça m'y cause tout à l'heure, parce que... Allez. Voilà, donc, juste la question, est-ce que c'est les animateurs qui choisissent votre créneau horaire ou bien c'est la production même qui choisit? Parce que, enfin, m'illustre cette question, parce que quand on a une émission qui marche bien, qu'on est habitué avec un animateur, comme style Jackie Rebelle le matin, Michael Laurette et Isabelle l'après-midi. Tout de suite après, je sais pas, la rentrée, enfin l'année ensuite, ils changent de formule, donc ils nous retrouvent plus nous dans cette formule-là. Et moi, je me dis, mais c'est dommage parce que moi, je lève tôt, donc il lève avec Jackie Rebelle. Jackie Rebelle est très proche de nous, il cause créole, et il donne à nous un petit peu la parole, excusez-moi l'expression, il casse un petit peu les cuirs avec nous. Et là, nous retrouvons plus ça, quoi. C'est-à-dire, à chaque fois qu'une émission, une année, il change, ben, il change aussi les émissions. C'est comme si Réunion Première les fâchait avec Bonne Réunionnée, et les fâchait avec la façon qu'ils causent créole, ils cassaient un peu les cuits, plaisantes. L'humour avec l'humoriste, mais en fait plus son nom, avec Jean-Laurent Faubourg. Jean-Laurent Faubourg. Non, mais franchement, elle avait vraiment de super, super émissions et super créneaux pour nous qui écoutent. Elle était proche de nous. Donc, mais la question, est-ce que c'est la production qui change des créneaux horaires des animateurs, ou c'est les animateurs même qui demandent à travailler tel ou tel créneau horaire? Voilà. Merci cette question, Fred, et bonne journée. Alors, il y a un SMS qui rejoint ce que vous dites, quelqu'un qui nous dit « Il manque l'émission détente et humoristique de l'après-midi, après une journée de travail, dans l'embouteillage, on ne voyait pas le temps passer. » Voilà, ça rejoint un petit peu ce que nous disait Fred. Éric Pérez, vous qui êtes le patron des programmes à la radio. C'est effectivement, il y a eu beaucoup de changements ces dernières années sur l'antenne radio. Je le disais tout à l'heure, j'ai vraiment cherché avec chaque animateur à travailler sur ce qu'ils avaient envie de faire et ce qui les animait dans la vie aussi. Voilà, tout à l'heure on parlait de l'exemple de Jackie, cet auditeur vient d'en parler, Jackie. C'est vrai, Jackie avait un certain talent pour les matinales, mais Jackie, a priori, va nettement mieux s'exprimer et va nettement plus partager ce qu'il aime dans sa nouvelle émission. Alors moi, je fais des propositions d'horaires aux animateurs. On discute du contenu de leurs émissions. Voilà, il y a effectivement un travail qui est fait. Alors l'émission de l'après-midi, de toute façon, on ne peut jamais faire plaisir à tout le monde. Ça, c'est une certitude. Donc, dès qu'on déplace un créneau, il y aura toujours des gens qui seront satisfaits, d'autres qui le seront moins. Je sais aussi que le créneau de l'après-midi, Isabelle et Michael ont amusé beaucoup de gens. Et pour le faire partager à encore plus de monde, l'idée, c'était de leur proposer de faire le matin, la matinale. Et ça avait l'air de les emballer comme idée. Enfin, j'ai pas l'impression d'avoir forcé qui que ce soit à faire quoi que ce soit. Et ça se passe plutôt bien depuis hier, notamment cette rentrée radio. Après, c'est pas le même esprit forcément le matin que l'après-midi. Est-ce que les grands principes qui ont guidé cette émission de l'après-midi, ils sont maintenus pour ce qui remplace ce duo ? L'après-midi, en fait, le nouvel animateur David, lui, il est sur la mise en avant des talents réunionnais, quels qu'ils soient. Ça peut être des entrepreneurs, ça peut être des artistes, ça peut être des artisans. On est sur la mise en valeur des talents locaux. Alors oui, on a perdu peut-être le rire d'Isabelle, si je reprends mon expression de tout à l'heure, mais on a conservé quand même quelques séquences plutôt amusantes, notamment celle de Le Lecci, j'en parlais tout à l'heure. Il est en matinale, mais il est aussi l'après-midi dans cette émission. J'aimerais qu'on parle peut-être plus en détail, Olivier Jolin, de l'info télé, les JT, qu'est-ce qui va changer? Est-ce qu'on va retrouver les mêmes présentateurs à la rentrée? Puisque la rentrée, je le précise, à la radio, c'est la semaine prochaine, hein, c'est pas cette semaine. Il y a un petit décalage. Voilà, les gens sont habitués à des présentateurs. Est-ce qu'on retrouvera Valérie Philin, Pascal Souprayen, voilà. On retrouve nos présentateurs avec des journaux qui sont, je dirais, affinés. On s'était donné pour objectif en début d'année, il y a 6 mois, de donner un éventail le plus large possible de l'information réunion, hein, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire quand même, il y a des choses qui nous collent à la peau, mais on s'intéresse aux réunionnais, et pour preuve, on est sûrement, chaque jour, on est la rédaction qui donne le plus de sujets, tout ce confondu ici autour de cette table, que ce soit internet, radio ou la télé, de plus de sujets sur la réunion. Donc on se concentre donc sur la réunion dans nos journaux. On affine. Alors dans la forme, on va comment dire, on va ajouter un sommaire. On a changé un peu nos positionnements sur dans le studio et dans le fond. On se rapproche encore un petit peu plus du public le midi avec des chroniques, avec une interactivité avec le téléspectateur, avec donc nos deux rendez-vous le lundi avec Maître Setama et Madame Aude le jeudi. Le tour des communes continue. Le tour des communes, justement, j'allais y venir, il continue. Avec donc, je vous rappelle le principe, c'est un focus une semaine sur une commune, un sujet chaque jour du lundi au vendredi. Un sujet, c'est un reportage dans le journal, en image. Dans le journal, et puis un direct chaque jour avec nos moyens directs de cette commune. Où, ça, cette c'est fois-ci, nouveau. C'est tout nouveau. Où cette fois-ci, alors avant on ne le faisait que le vendredi, maintenant on le fait toute la semaine. Et l'idée, c'est en deux parties, ça se fera en deux fois. La première partie, c'est donc d'interroger les téléspectateurs sur ces gens de ces communes, les interroger sur donc. Une question d'actualité, par exemple aujourd'hui ça pourrait être la rentrée, ça a été hier ou avant-hier le terrorisme, savoir ce qu'ils en pensent, et deuxième partie de ce direct, revenir sur ce qui fait la vie, le quotidien de ces gens dans ces communes. Donner voilà. La parole aux Réunionnais, c'est aussi votre credo, Karl Tivat, ouais, en radio. Je crois qu'on le partage tous au sein de Réunion Première, et j'aime bien cette idée de moule commun, à la fois aux rédactions télé, radio et aux camarades de la plateforme numérique, mais je crois qu'on peut y associer l'ensemble des collaborateurs de cette station qui aujourd'hui pense, respire et vive pour le public. Hein. Je crois que c'est notre cœur de cible, c'est ce public qui est en droit d'attendre de nous des émissions de qualité, de l'interactivité, de la proximité renforcée, et puis cette fameuse production locale qu'on leur propose maintenant. Par exemple, dans les coulisses de, c'est le nouveau magazine de la radio. Demain soir, premier numéro d'ailleurs, 18h15, nous allons au cœur du pays, nous allons dans une institution, nous choisissons un thème, et pendant 40 minutes, on va parler avec l'ambiance live du terrain, de ce qui se fait. Nous avons pendant 3 semaines préparer la rentrée scolaire avec des parents, avec des ouvriers dans des chantiers. Oui, ça se passe pas que dans des institutions, non, comme non, vous disiez. Non, non, non. Au ça cœur, quand je dis au cœur du pays, ah oui, avec entre guillemets ceux qui font vivre le pays, et avec les ouvriers, avec les agents spécialisés dans les boutiques où on vend les livres, les cahiers, etc., les mutuelles. Donc beaucoup d'ambiance. En fait, on a fait le tour. Beaucoup d'ambiance. On quitte l'ambiance du studio. Pour aller au contact des gens et retracer un fait. La campagne sucrière bientôt est à venir. On va essayer aussi de proposer un magazine qui est en cours de montage sur l'impact Dimitri Payet sur les jeunes footballeurs à La Réunion après le magnifique Euro 2016. C'est aussi ça que de rebondir sur un fait d'actualité de chez nous et le mettre à la disposition du public. C'est le mercredi 18h15, c'est l'une des grandes nouveautés de la saison 2016-2017, en tout cas pour l'information radio. Donc beaucoup de choses à découvrir à la radio, à la télé, et on peut vous garantir qu'on y met tout notre cœur les uns les autres, et on est déçus évidemment d'entendre des témoignages de gens qui nous disent vous changez tout, il y a encore un SMS qui est tombé il y a quelques instants, on recommence avec une nouvelle grille, et si votre logique est respectée, vous allez chambouler tout ceci l'année prochaine comme l'année précédente sans concerter les auditeurs, et tant pis si l'émission marchait bien, mais c'est évidemment pas comme ça que ça marche. C'est Paco Duport qui dit ça. Les émissions marchaient pas tant bien que ça, enfin pardon, mais c'est vrai que les audiences n'ont pas été, vous l'avez dit Philippe en introduction de cette émission, les audiences n'étaient pas très très bonnes. Donc on peut avoir une impression que voilà, forcément ça plaît à certains, mais pas à tous. Et il faut aussi se fier, alors c'est ça la difficulté, de se fier aux médiamétries. Voilà, il faut que les auditeurs comprennent bien, c'est qu'on se bat, nous tous autour de cette table, on essaie de faire le maximum. Alors c'est vrai que c'est pas simple, mais on essaie de faire en sorte que de fournir l'information aux Réunionnais, ils en sont dignes, l'information, la programmation. Bref, on travaille pour eux et j'espère que le message va passer, en tout cas. Et le plus dur, c'est peut-être de dépoussiérer cette image. Beaucoup de gens utilisent encore l'expression RFO pour parler de Réunion Première. C'est resté un petit peu dans les gènes, Benjamin. Alors, je dirais dépoussiérer et en même temps, pas dénaturer. Puis c'est RFO, on a grandi avec. Hein. Enfin, moi, personnellement, j'ai grandi ici en regardant RFO. Donc, il ne faut pas renier non plus notre passé. Je pense qu'on a un capital sympathie qui, en même temps, s'accompagne d'une forme d'attente, ce qui est logique. Voilà, on est un membre de la famille avec lequel le public sera toujours exigeant. Donc, c'est à la fois une chance et en même temps une difficulté, mais c'est à nous de la surmonter. Et la réaction est d'autant plus violente qu'on est apprécié.

Maintenant, je ferai tout derrière les starts, je vais tout faire. Si ça pète pendant la course, bah, ça pètera, tant pis. Si ça pète pas et que ça m'emmène plus loin, bah, je prendrai tout ce qu'il y aura à prendre. Rendez-vous ce mardi également pour la finale de la compétition de Nacra 17. C'est de la voile. Le Polynésien Billy Besson, auteur d'une formidable remontée dans le classement général, malgré une hernie discale très handicapante, sera de la partie. Rendez-vous sur le site de la première pour revivre ces moments. Bonne journée. Rendez-vous demain à midi à 12h45 pour un nouveau journal des Jeux Olympiques. Et dans quelques instants, le retour de l'information avec la rédaction de France Info. Ce sera juste après Mokobé, l'Aziza. Petite rue de Casbah, au milieu de Gaza. Petite brune enroulée d'un drap court autour de moi. Ses yeux remplis de pourquoi cherche une réponse en moi. Elle veut vraiment que rien ne soit sûr dans tout ce qu'elle croit. Ta couleur et tes mots, tout me va. Que tu vives ici ou là-bas, danse avec moi. Si tu crois que ta vie est là, ce n'est pas un problème. Le soir, oh, ne tremble pas. Laisse glisser les mauvais regards qui pèsent sur toi. La ziza, ton étoile jaune c'est ta peau. Oh non, tu n'as pas le choix. Ne la porte pas comme on porte un fardeau. Ta force c'est ton droit. Ta couleur et tes mots. Vous écoutez Réunion Première, il est 13h, voici le journal de France Info. À l'heure du journal, Thomas Pontillon, bonjour. Bonjour Ariane, bonjour à tous. Le 15 août est passé, place à la rentrée. Elle se prépare en ce moment et coûtera plus de 2000 euros en moyenne pour les étudiants. Explication dans ce journal. Aux États-Unis, Donald Trump ne parle plus d'interdire l'entrée du territoire aux musulmans, mais plutôt d'un test idéologique. Décryptage de son dernier discours à venir. Et puis le goût amer de la médaille d'argent pour Renaud Lavilloni. Le perchiste ne conserve pas son titre et la pilule est difficile à avaler. Encore de la chaleur et du soleil aujourd'hui pour la majorité du pays. Attention tout de même à ce risque de pluie en Auvergne. Vernier, Limousin, 22 à 35 degrés du nord au sud cet après-midi. La météo en détail après le journal. France Info. Thomas Pontillon. La rentrée se profile pour les étudiants et c'est le moment pour les syndicats et associations d'étudiants d'estimer son coût. Après l'UNEF hier qui déplorait une hausse de plus d'1%, c'est au tour de la FAGE, la Fédération des associations générales d'étudiantes, de sortir la calculette, Rudy Guillemin. 2360 euros, voilà ce qu'il faudra en moyenne à un étudiant cette année pour s'installer en dehors du domicile familial et entamer son premier mois d'études en licence. Si c'est à Paris, il faut compter près de 300 euros de plus qu'en région. Selon la FAGE, ce chiffre augmente de 1% seulement par rapport à l'an passé. Le gel des frais d'inscription, de la cotisation sécu ou encore des repas au restaurant universitaire permet de limiter la hausse, tout comme l'encadrement des loyers en Île-de-France. Paradoxalement, c'est donc en région que le coût du logement augmente le plus à près de 2%. La FAGE aimerait donc que le dispositif soit étendu à toutes les grandes agglomérations en tension. D'après le syndicat, certaines dépenses comme les transports ou la téléphonie sont même légèrement en baisse par rapport à l'an passé. Et ce sont finalement les dépenses courantes qui augmentent le plus. L'alimentation, les vêtements ou encore le matériel pédagogique qui grimpent toutes de plus de 3%. Et même si les hausses sont les plus importantes en région, l'UNEF publie ce matin la carte de France des prix des villes. Paris reste en tête et de loin avec un budget mensuel de 1150 euros. Limoges ferme la marche avec moins de 650 euros de dépenses par mois par étudiant. À Marseille, un homme tué par balle la nuit dernière. Cela s'est passé en pleine rue dans un quartier sensible de la ville. La victime, un homme d'une cinquantaine d'années, est connu des services de police, mais il n'appartenait pas au milieu des stupéfiants. Selon les enquêteurs, il a peut-être été abattu par deux hommes à moto. Cet homicide porte à 19 le nombre de morts par balle dans les Bouches-du-Rhône. France Info, 11h30, on part aux États-Unis. États-Unis, Donald Trump propose un test idéologique pour les candidats à l'immigration. Un filtrage extrême, promet le milliardaire, qui plaide aussi pour un rapprochement avec l'OTAN pour lutter contre les terroristes de Daesh. Un discours musclé, mais sans dérapage verbal, censé recentrer son message après 3 semaines de polémiques et de sondages catastrophiques. Charlotte Alix. À plusieurs reprises, Donald Trump a dressé un parallèle entre l'époque actuelle et la guerre froide. Mais en lieu et place du communisme, la menace s'appellerait aujourd'hui l'islamisme radical, un terme qu'il répète avec emphase à chaque discours. Rendre l'Amérique plus sûre, c'est ce que promet le candidat républicain. Et parmi ses remèdes, il propose des procédures de sélection poussées pour les candidats à l'immigration. On ne devrait accepter dans ce pays que les gens qui partagent nos valeurs et respectent notre peuple. Durant la guerre froide, nous avions des tests de sélection idéologique. Il est plus que temps de mettre en place de nouveaux contrôles face aux menaces auxquelles nous sommes confrontés. Je les qualifierais de filtrage extrême. Donald Trump n'appelle plus à interdire aux musulmans l'entrée sur le territoire américain, une de ses propositions les plus critiquées, mais il insiste sur la nécessité de suspendre temporairement l'immigration de certaines régions, celles qui exporteraient le terrorisme. Pour le reste, les outils que le candidat républicain veut utiliser pour lutter contre Daesh ressemble à ceux qui sont déjà utilisés par l'administration Obama, des opérations militaires conjointes, une collaboration avec certains pays musulmans et à la propagande djihadiste, une riposte idéologique. New York, Charlotte Alix, France Info. C'est le plus important transfert opéré par Barack Obama. 15 détenus de la prison de Guantanamo vont purger leur peine aux Émirats Arabes Unis. Il s'agit de 12 Yéménites et de 3 Afghans. Le président américain avait promis la fermeture de cette prison où la plupart des prisonniers sont détenus sans procès depuis plus de 10 ans. Ils sont encore 61 à Guantanamo. Yves Fréjean, responsable du programme Responsabilité des États et des entreprises à Amnesty International France, sera l'invité de France Info dans une demi-heure. Nous reviendrons avec lui sur ce transfert. 11h05, la suite du journal Thomas Pontillon. Au Yémen, le bilan est lourd après le bombardement d'un hôpital par la coalition arabe. 11 personnes sont mortes, 19 autres blessées. La coalition dit ouvrir une enquête indépendante. Selon Médecins Sans Frontières, plus de 120 structures de santé ont été visées depuis le début du conflit il y a 2 ans. Une guerre qui a déjà fait plus de 6000 victimes. En Turquie, la purge s'attaque au monde de l'entreprise. La police mène ce matin des perquisitions au siège de 44 compagnies à Istanbul. 120 mandats d'arrêt ont été émis. Depuis le coup d'État raté, plus de 35 000 personnes soupçonnées de lien avec le putsch ont été arrêtées. Direction Rio à présent pour les Jeux Olympiques et l'énorme déception de Renaud Lavillenie. Le perchiste français décroche seulement entre guillemets l'argent. L'Auvergnat a réussi son saut à 5,98 m, mais le Brésilien Thiago Braz l'a dépassé de 5 cm. Une très grosse surprise, estime l'ancien champion olympique Jean Galfionne. Ouais, on est tous un peu sidérés quand même. Enfin, il va chercher un saut extraordinaire et il fait 6,03. Il est énorme, il est fort. Il était le plus fort avec cette prise de risque. Il change de perche, il rentre dedans, il se pose pas de questions, ça passe. Mais alors, c'est incroyable parce que ce que le plus dingue, c'est qu'on peut rien reprocher à Renaud. Il a fait un concours parfait. Parfait quoi. Aucun déchet dans ses sauts. Signé peut-être son dernier saut à 6,08, c'est pas le meilleur. Mais bon, enfin, on peut peut-être aussi comprendre. Il part avec cette pression, avec des sifflets dans le dos. Bon, bref, en tout cas, on peut rien reprocher à Renaud. Il fait 5,98 de manière fabuleuse. Il fait un concours de rêve. Qu'est-ce que je veux dire? On est tous. On peut essayer de trouver et chercher des réponses. Là, on n'en a pas. Hein. Il y a juste un mec plus fort que l'autre et ça ne nous arrange pas. L'ancien champion olympique à la perche, Jean Galfionne. Autre déception pour le camp tricolore. L'équipe de France de volley qui est éliminée. Les champions d'Europe sont sortis par le Brésil. Défaite 3-7-1 dans une chaude ambiance, Xavier Monferrand. La team Yavbou se souviendra longtemps de ce petit Maracana, son ambiance étouffante, hostile, et cette élimination prématurée du tournoi olympique dès la phase de poule. Forcément, il y avait beaucoup de déceptions dans les rangs des volleyeurs français, à l'image d'Erwin Engapet. On vient pour chercher une médaille et on sort en poule, donc beaucoup de frustration. Je pense qu'il a manqué notre brin de folie qu'on a souvent, où on arrive à faire plus qu'à bien, à faire déjouer l'adversaire. On pensait qu'on était arrivé à maturité, mais on voit que quand c'est les JO, les équipes qui ont de l'expérience, qui ont l'habitude de les jouer, et ben ça paye. Pourtant, les Bleus avaient un statut à défendre. Champions d'Europe en titre, vainqueurs de la Ligue mondiale l'an passé, tous leurs adversaires les attendaient. Cette page olympique est terminée, mais l'aventure, elle, continue pour Benjamin Tognutti. Il y a beaucoup de déceptions, mais on n'enlèvera pas tout ce qu'on a fait avant. pendant ce tournoi et on continue à avoir le respect des autres équipes et on va repartir sur un nouveau cycle de 4 ans. Et en tout cas, cette équipe, elle a les jambes pour aller à Tokyo et pour performer, même si c'est dur de se projeter maintenant. Je sais qu'elle est capable. Et le premier regret des Français, c'est cette défaite en ouverture face à l'Italie qu'ils auront traîné comme un boulet jusqu'à ce dernier match face au Brésil. Une dernière marche devenue d'un coup trop haute. Rio, Xavier Monferrand, France Info. Et puis toujours en résultat en athlétisme, Pierre-Ambroise Bosse, lui, termine 4e du 800 mètres, la plus mauvaise place. En handball, en revanche, tout va bien pour les experts. Vainqueurs du Danemark 33-30, ils affronteront le Brésil en quart de finale. Ce sera demain à suivre. Aujourd'hui, les séries du 200 mètres avec Christophe le mettre en fin d'après-midi et plusieurs chances de médailles en boxe avec 4 Français et Françaises engagés aujourd'hui. 11h08, c'était le journal de Thomas Pontillon. La météo vous est offerte par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre. www.ismaelaboudou.com. 13h08, de retour à La Réunion, un point sur la météo. La couverture nuageuse se déchire par moments cet après-midi, mais reste quand même bien présente dans l'est et le sud-est, alors que dans l'ouest, il fait plutôt beau. Au fil des heures, les nuages feront leur apparition dans les plaines de l'est et sur le pourtour du volcan, mais Mafat et Sillaos resteront malgré tout au soleil. À mi-pente, les nuages s'étaleront entre la Possession et Trois-Bassins, où le risque de pluie restera faible. L'Alizé est toujours très marqué sur les côtes nord et sud, et certaines pointes atteignent